هنواصل السؤال 31 31ème question. فإذا قيل لك ما جزاء المؤمنين وما جزاء الكافرين يوم القيامة. Si on te demande quelle est la récompense des croyants et quelle est la rétribution des mécréants le jour de la résurrection. فقول جزاء المؤمنين الجنة في أعلى العليين. Donc dit que la récompense des croyants est le paradis au plus haut niveau. والدليل قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ceux qui croient et font de bonnes actions, ceux-là sont les meilleurs de la création. Leur récompense est auprès de leur Seigneur. Des jardins d'Éden, sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils seront éternellement. Allah a été satisfait d'eux, et ils ont été satisfaits de lui, et cela est pour quiconque a craint son Seigneur. Donc, tu as Amel Adil Aya, car Allah Azza wa Jal considère les croyants comme étant les meilleurs de la création. Même s'ils ont des manquements, même s'ils ont des écarts, tant qu'ils restent des croyants, ils restent la meilleure, ils restent les meilleurs de la création. Ensuite, وَجَزَى الْكَافِرِينَ النَّارِ فِي أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. La rétribution des mécréants est l'enfer au plus beau, l'enfer au niveau le plus bas. وَدَلُّكُ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَيُقْضَى عَلِهِمْ فَيَمُوتُوا وَلْيُخَفَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Et ceux qui ont mécru auront le feu de la Jahannam, où ils ne seront pas achevés afin qu'ils ne meurent pas, c'est-à-dire un châtiment continuel, عَذَابُ اللَّهِ. Il ne sera pas allégé de son châtiment. Ainsi, rétribuons-nous tous mécréants. Wa mimma zakarna sabiqan al-aya fi surat al-bayyinah, quand on avait dit les croyants sont le meilleur de la création, Allah a dit à propos des kuffars, ulaika hum sharrul bariyya, inversum, à l'inverse que les kuffars sont les pires de la création. C'est une chose à laquelle il faut rester attentif. Les koufars sont les pères de la création. De là, on ne peut les aimer et les prendre d'affection et faire leurs éloges. Allah dit qu'ils sont les pères de la création. Et la preuve que le paradis est dans le plus haut du haut, c'est-à-dire au niveau le plus haut, plus élevé. قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Rasulullah dit, et il, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a bel et bien vu lors d'une autre descente auprès du lotus de la fin. يعني هكذا يسمى بالسدرة المنتهى. Auprès de lui, le Jannah. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu le Jannah au plus haut niveau. Et le toit du Jannah, du Firdaus, c'est le Arsh d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve que l'enfer est dans le plus bas niveau, c'est le Hadith d'Al-Barra. Le Hadith, il n'est pas cité là en arabe dans le Matn, mais قال فيما يروي عن ربه عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. Que Allah Azza wa Jalla, dans le hadith Qudsi, il a dit, écrivez le livre de mon serviteur dans le Sijjin, dans la terre la plus basse. Donc le Jannah, Tayyib, le Jannah est en haut, tandis que le Nar, le feu est en bas. Wa yakul, wa la nashhad bil Jannah au Nar, illa liman shahida lahu ad-dalil. Et donc, n'acceptons pas l'entrée, c'est-à-dire d'attester d'une personne qui est au paradis ou en enfer, si ce n'est avec une preuve à l'appui. Mais les croyants, de façon générale, on sait qu'ils sont au Jannah. Et les kuffars, on sait qu'ils sont au Nar. Et parmi les gens dont on a eu les preuves qui sont au Jannah, on a, مثلاً, Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et on a les Sahaba, et à leur tête, les quatre califes, et bien sûr les 10 qui ont été promis au Jannah. Mais tous les Sahaba, n'achallahu bil Jannah. Naam. Et la preuve qu'on ne peut attribuer à quelqu'un ou attester de quelqu'un qui soit au paradis après sa mort, Al-Dalil qu'Allah Ta'ala, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas selon tu n'as pas de science. C'est-à-dire, on ne sait pas. Tu ne pourras pas dire que quelqu'un est au paradis si tu n'as pas une preuve, et ces preuves-là, on ne les a pas. Quand bien même tu verras sur lui des miracles, tu le verrais, par exemple, son corps souriant ou autre, tu ne peux attester pour lui du Jannah, mais tu peux dire on espère pour lui, on a vu des bons signes pour lui. Par contre, les gens qui sont morts, kuffar, eux, le kuffar, ben, besoin de dalil. Pour dire que c'est un kafir, un tel. Taïeb, kafir, kafir. Et kafir, ou afinar. Après, il y a des gens qui sont peut-être excusés du fait qu'ils n'ont pas eu le message, ou qu'ils n'aient pas leur raison, ça, c'est notre mas'ala. Non. Al-An wasil fi su'al al-thani wa thalathin. Poursuivre dans la 32e question. Yaqul, fa'idha yaqila lak, kam adad ad-dour. Si on te demande combien y a-t-il de demeures, c'est-à-dire pour la vie de l'homme. Fakul salasatun. Il y a 3 demeures dans lesquelles l'homme va vivre. Dar dunya al-faniya. Première, c'est la demeure de la vie périssable d'ici-bas, ce qu'on appelle la dunya. Celle qui a lieu avec le corps et l'âme. والدليل قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et qu'est-ce que la vie d'ici-bas si ce n'est une jouissance trompeuse? Donc cette vie dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la dunya, c'est la première demeure. ثانياً دار البرزخ. La demeure du barzakh qui est la vie intermédiaire. C'est tout ce qui se passe entre la mort et avant l'entrée au Jannah ou au Nar. Et la preuve, c'est la part d'Allah Azza wa Jal. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُونَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et derrière eux, c'est-à-dire après la vie, en ce bas monde, jusqu'au jour où ils seront ressuscités, il y aura une barrière qu'on appelle le Barzakh. Salat al-Mu'minun. Et celle-ci, ce sont des choses qui toucheront à l'âme. Ce ne sont pas les choses qui sont physiques. Les choses qui sont à l'âme. Salisan dar al-karar. Qui est la demeure de l'au-delà. Ou al-karar, c'est la chose, comment dirais-je, la stabilité. C'est-à-dire la demeure éternelle. Celle où les gens demeureront par la suite. Ils seront, qui sera soit le feu, soit le Jannah. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, ou plutôt il dit, à propos d'un croyant de la famille de Pharaon, Ya qawm, innama hadhi al-hayat al-dunya mata' wa inna al-akhirata yadara al-qarar. Il a dit quoi, cet homme de la famille de Pharaon qui cachait son iman, ô mon peuple, cette vie d'ici-bas n'est que jouissance, c'est-à-dire temporaire, éphémère. Alors que l'au-delà, c'est cela la demeure de la stabilité. Qarar. Celle qui sera la demeure éternelle et final. Donc 3 demeures. La dunya, après al-barzakh, qui est la vie intermédiaire, et ensuite, dar qarar, qui sera soit le jannah, soit le nar. Thumma qala fi su'al al-thalith wa thalathin. 33e question. Fa'idha qila lak ma awwalu manazil al-akhirah. Si on te demande quelle est la première demeure de l'au-delà. Parce qu'après l'au-delà lui-même se divise en demeures. Après la mort, il y a différentes étapes. Naam. Faqul awwal manazil al-akhira al-qabr. Dit la première demeure dans l'au-delà, c'est la tombe. Wa dalil, c'est le hadith de Othman. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna al-qabr awwal manazil al-akhira. Fa in najja minhu فما بعده أيسر منه وإن لم ينجوه منه فما بعده أشد منه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tombe est la première des demeures de l'au-delà. en parlant du croyant, s'il en est sauvé, c'est-à-dire s'il est, il est sauvé de ce qui se passe dans la tombe, alors ce qu'il y aura après sera plus facile encore. Et le châtiment de la tombe, il est relatif. Et s'il n'en est pas sauvé, alors ce qu'il y aura après sera plus dur encore. Apporté par Tirmidhi, Ibn Majah ou Ahmed. Il était dit que Othman, radiallahu anhu, lorsque il entendait citer des versets ou des hadiths sur l'enfer, il ne pleurait pas. Mais lorsqu'il passait près d'une tombe ou qu'il enterrait quelqu'un, il pleurait. Comme une petite fille, il était dit. Des sanglots de petite fille. Lorsqu'il est interrogé pour cela, il a dit que, justement, il a cité dans le hadith, que la demeure qui sera décisive pour savoir ce qu'il y a par la suite, c'est celle de la tombe. Donc cela faisait plus peur, encore. Car c'était une forme d'introduction. ثم يقول في سؤال الرابع والثلاثين فإذا قيل لك ماذا تعتقد في عذاب القبر ونعيمه si on te demande que crois-tu au sujet du châtiment de la tombe et de son délice فقول أعتقد أنه حق لمن كان له أهله dis je crois avec certitude que c'est la vérité pour celui qui le mérite c'est-à-dire soit qu'il sera dans les délices dans la tombe, ou soit dans un châtiment dans la tombe. À savoir que le châtiment dans la tombe n'implique pas forcément que la personne finira, taïeb, en enfer définitivement. Les croyants peuvent être châtiés dans leur tombe. Mais le châtiment d'un croyant n'est pas le même que celui d'un kafir dans la tombe. Ils ne sont pas les mêmes. وَالدَّلِيلُ حَدِيثَ عَيْشَةَ حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق c'est la preuve, c'est le hadith de Aïcha رضي الله عنها lorsqu'elle interrogeait le message d'Allah عليه الصلاة والسلام au sujet de ce châtiment de la tombe il a dit le châtiment de la tombe est vérité c'est une chose qui est réelle ثم قال كذلك عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه et a rapporté également que le prophète عليه الصلاة والسلام demandait protection contre l'épreuve de la tombe le châtiment de la tombe et contre l'épreuve du faux messie et ça c'est ce qu'on fait comme invocation après le tashahhud Al-Akhir. Et certains ulama voient que ce dua est obligatoire. Certains ulama voient que ce dua est obligatoire. Non. وكذلك من الأدلة على النعيم parmi les hadiths qui prouvent les délices, maintenant le contraire. Là, on n'a pas du châtiment. Qui parle des délices de la tombe. Hadith al-Bara وفيه أما المؤمن فيقال ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans une partie d'un hadith qui est un peu plus long, il a dit, quant au croyant, on dira, habillez-le du paradis et ouvrez-lui une porte sur le paradis. Alors il lui parviendra de son parfum et sa brise, et on lui étendra sa tombe jusqu'à portée de vue. Donc cela sera un délice pour le croyant, qui mérite le délice. Mais on l'a dit, le croyant également peut malheureusement être châtié dans la tombe. Mais ça l'aide parmi les choses qui causent le châtiment de la tombe, comme a dit fi hadith de Ibn Abbas, il y a le fait de ne pas se protéger de l'urine lorsqu'on urine, et de ne pas s'en laver. Et également, la calomnie, al-namima, qui est le fait de colporter des paroles en vue de causer la zizanie entre les gens. Même si tu dis la vérité, tu rapportes une parole de quelqu'un que tu as entendu, qui est vrai, et tu la rapportes à d'autres personnes, en sachant que cette personne, cette parole-là, quand elle sera entendue à d'autres, elle va causer du désordre. Donc en faisant cela, c'est de la namima, ce qu'on appelle la calomnie. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, est déjà passé devant la tombe de deux hommes qui se faisaient châtier. Et lorsque les sahaba ont interrogé pourquoi ils se faisaient châtier, ils ont dit « Amma haduhuma fa kana yastatir min bawlihi ». Il a dit l'un d'entre eux ne se préservait pas de son urine. « Amma al-akha fa kana yamshi bin namima ». Quant à l'autre, il marchait avec la namima, avec la calomnie. Donc cela peut coûter le châtiment de la tombe. Et d'autres choses également. D'autres choses peuvent coûter ce châtiment. « Wa li'azu billah ». ثم يقول في السؤال 35 فإذا قيل لك ماذا تعتقد في البحث والوقوف والحساب وأخذ الكتاب si on te demande que crois-tu au sujet de la résurrection du stationnement c'est-à-dire ce qu'on sera tenu debout pour attendre le jugement les comptes qui seront rendus et de la prise du livre le livre dans lequel seront écrites nos œuvres bonnes ou mauvaises فقول أعتقد أنه حق. Je dis fermement que cela c'est la vérité. Et la preuve, c'est la parole d'Allah عز وجل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seraient pas ressuscités. Dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez bel et bien ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah Azza wa Jal. Wa qulu subhana fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i li shay'in nukur khashiyan absaruhum yakhrujun al-ajdath ka'annahum jarad muntashir mu'ti'ina ila ad-da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Il a dit quoi? Dans le sens, détourne-toi donc d'eux le jour où l'appeleur appellera à une chose affreuse. Les regards craintifs, ils sortiront des tombes telles des sauterelles éparpillées, se pressant vers l'appeleur. Les mécréants diront, voilà donc un jour difficile. Ça, c'est celui de la lire parmi les choses qui se dérouleront lors de la résurrection. Et il y a plein d'adillah. Là, le chir, il n'en cite que certains comme ça. Il y en a d'autres, bien sûr. وقولوا تعالى فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Quant à celui qui sera à qui sera donné son livre dans sa main droite, il sera fait un compte facile, il retournera heureux vers sa famille. Quant à celui qui sera donné à qui sera donné son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans une fournaise. Et kazalik, le croyant, lorsque les comptes seront rendus, il ne sera pas débattu. Juste, il lui fera exposer ce qu'il a fait. Tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Il ne pourra que reconnaître. Alors que le kafir, lui, sera débattu. Telle chose, pourquoi tu l'as faite? Et kaza, et kaza, et kaza. Et des fois, les koufars essaieront de nier certaines choses. Alors que le mu'min lui sera juste exposé, sans débat. Naam. Wa qulu ta'ala yawma nad'u kullu unasin bi imamihim famma man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Le jour nous appellerons tous les gens par leur guide. Celui à qui sera donné son livre dans sa main droite, ceux-là liront leur livre et ne subiront pas la moindre injustice. Ce sont les croyants. Et celui qui aura été, c'est-à-dire dans la dunya, aveugle, il sera dans l'au-delà aveugle et plus égaré encore. Et lui, son livre, il l'aura par la main gauche. Son livre sera donné par la main gauche. ثم نكمل بهذا السؤال السادس وثلاثين 36e question. فإذا قيل لك هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. Donc on te demande, si on te demande, est-ce que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. فقل نعم يرونه في عراسة القيامة وفي الجنة. Tu dis oui, ils le verront dans les cours de la résurrection et au paradis. C'est-à-dire que les croyants verront Allah Azza wa Jal deux fois. Deux fois. Et la preuve est la parole d'Allah. وجوهٌ يومئذٍ ناظرة لربها ناظرة. Des visages ce jour-là rayonnants, resplendissants, vers leur Seigneur regardant. Et ces visages rayonnants sont ceux des croyants. Vers leur Seigneur regardant, là sera au Jannah. Dans les deux hadiths, d'après Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhu, قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة. Que ça vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection. كذلك من الأدلة ما جاء عن أبي ليلى عن سهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ونجيتنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Et Muslim rapporte par la voix de Hamad ibn Salama, selon Abu Layla, selon Suhaib, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed a dit, lorsqu'on fera rentrer des gens du paradis au paradis, Allah dira, vous voulez que je vous ajoute quelque chose? Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Alors il ôtera le voile et ne leur aura rien été donné qu'ils aimeront plus que de regarder leur Seigneur. Donc ça c'est Al-Husna, la plus grande récompense. C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aura lieu au Jannah. Au bel c'est Ziyada plutôt. Dans le verset, les in amanu Al-Husna wa Ziyada. Ceux qui ont cru, ils auront la meilleure récompense, une ziyada. Ziyada, c'est un ajout, ce sera la vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, al-kuffar, la yarawna Allah azza wa jal yawm al-qiyamah. Les mécréants ne verront pas Allah le jour de la résurrection. Et la preuve, c'est le parole d'Allah, où il dit, kalla innahum an rabbihim yawm al-zina mahjoubun. Mais non, ils seront ce jour-là volés de leur Seigneur. Dans surat al-mutaffifin. Ça, c'est masala qui est un khilaf. Et sahih, c'est que les gens du livre, même les munafiquns, verront Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. C'est venu dans un hadith muttafaqun alayhi qu'ils le verront. Maintenant, ce sera une vision, ça ne sera pas une vision d'agrément. Ça ne sera pas une vision d'agrément, une vision de plaisir pour eux. Le hadith est un peu long, on ne peut pas le citer ici. Mais que Allah Azza wa Jal viendra et appellera les gens du livre, et leur dira, aux Nasara, qu'est-ce que vous avez adoré? Ils diront, nous adorons Isa, ton fils. Il a dit, vous avez menti. Je n'ai pas de fils. Qu'est-ce que vous voulez? Ils diront, nous voulons boire, parce qu'ils seront assoiffés par ce jour-là. Ils diront, Ishrabu, ils seront jetés au feu. Et il sera dit aux Yahoud, qu'est-ce que vous adoriez? Ils diront, nous adorions Ronzaï, ton fils. Il a dit, vous avez menti. Je n'ai pas de fils. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit, nous voulons boire. Buvez, ils seront jetés au feu également. Donc là, c'est une mas'ala. Je ne sais pas comment les savants qui voient que les koufars ne verront pas Allah Azza wa Jal, on parle des kitabiyoun et des munafiqoun, je ne sais pas comment ils interprètent le hadith, mais le hadith lui-même, il est clair. Et le hadith est authentique. Qu'ils le verront. Mais ils ne verront pas comme les croyants le verront. Et surtout, ce ne sera pas une vision comme celle qu'il y aura au Jannah également. نعم نكتب بيد القدر اليوم وسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك